19-13. Activation orale et écrite. L'heure. Écoutez et écrivez les heures indiquées. C'est un rapport sur trois personnages suspects. Le 30 mai, Robert est sorti de son hôtel à 9h du matin. Il est entré dans un bureau de tabac à 9h10. Il s'est assis à la terrasse de l'escalier à 9h15. Mireille est passée devant le café à 9h20. Ils se sont assis sur un banc de Luxembourg à 9h30. Marie-Laure est arrivée à 10h15. Elle est tombée dans le bassin à 10h15. Robert a invité Mireille à aller à la closerie des Lilas à 11h20. Ils sont passés devant l'Institut d'art et d'archéologie à 11h10. Ils se sont assis à la terrasse de la closerie, à 11h20.